Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 20h. La jeunesse guinéenne de France se donne rendez-vous à Lille avec 32 villes du 4 au 5 avril au complexe Ascotel, 7 avenue Paul Langevin, 59 650 Villeneuve-d'Ascq à Lille. Au programme, table ronde de l'engagement local à la solidarité internationale, sport, tournoi interville, tourisme, voir Lille métropole en grand, soirée spectacle avec Audi Premier El Fashionisto au B-Floor. Management, Conseil national des jeunes Guinéens en France, Association des étudiants guinéens du Nord-Pas-de-Calais. Infoline 07 58 06 40 53 06 16 58 81 01 interville-lille2015@cngf.org. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde le rapateur qui écrive nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi. Arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 FM et c'est La Voix de 100 mètres qui commence comme tous les vendredis soirs à 20h. La Voix de 100 mètres, l'émission de tous les anarchistes de la Terre et notamment celles et ceux du Centre Culturel Libertaire aux 4 rues de Colmar à Lille, métro Porte des Postes. Ce soir, on va commencer comme tous les soirs par l'agenda de ce qui se passe à Lille bientôt, l'agenda culturel et militant du Centre Culturel et des luttes qui se mènent autour. Et puis on parlera sans doute de la grève, de l'appel à la grève de jeudi prochain. On parlera sans doute plein d'autres choses. Et pour l'instant, on commence du coup avec l'agenda ce qui va se passer bientôt. On rappelle que c'est possible de nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00 03 20 91 24 00. Alors, cet agenda commence par vous rappeler que toute cette semaine encore, il y a la quinzaine du centre LGBT QIF de la rue de Condé qui organise une quinzaine littéraire et avec plein d'activités. Et on va pas toutes le dire peut-être dans cet agenda, mais on va en dire au moins une partie. Et du coup, ça commence dès ce week-end avec un week-end sur les récits de vie qui est proposé. Ça commence dès ce soir avec maintenant à 20h. Une discussion sur les autobiographies LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et transsexuelles, au cinéma. Et du coup, c'est à 20h une discussion avec Didier Ross Bentoni, qui est critique et spécialiste de l'histoire du cinéma LGBT. Et Rémi Lange, qui est un réalisateur. Et à 21h, il y a une projection d'un film justement de Rémi Lange, qui est un film de 1997 qui dure un peu plus de 80 minutes, qui s'appelle Omelette. Et je vous lis les trois phrases qui causent de ce film. Un jour, Rémi commence un journal filmé avec une vieille caméra Super 8. Il enregistre ses parents, ses proches, un ami séropositif. Il décide d'annoncer à sa famille son secret, l'existence d'Antoine, le garçon qui partage sa vie depuis plusieurs années. Voilà, du coup ça c'est à 21h au cinéma L'Univers, au 16 rue Danton. Et puis ce week-end sur les récits de vie continue demain avec un rencard dès 16h, toujours à L'Univers, avec la projection d'un film qui s'appelle Se rencontrer, qui est cette fois un film de Anne Dumas, un documentaire de 2012 qui dure 40 minutes. Pareil, je vous en dis les trois petites lignes qui le présentent. En 2011, trois associations monothéistes organisent un voyage en Israël et en Palestine. Ce voyage historique est à l'avant-garde d'un dialogue entre la spiritualité, dans un souci de réciprocité et de solidarité avec les mouvements LGBT locaux. Ça sera suivi avec un échange avec Ludovic Mohamed Saed, qui est quelqu'un qui participe fortement à l'organisation de ce week-end. À 20h, il y aura moyen, du coup, samedi, de grignoter un morceau. Et puis à 21h, il y aura une nouvelle projection qui s'appelle, du coup, un film, une fiction autobiographique qui s'appelle L'Armée du Salut, qui est un film d'Abdella Taïa, qui date de 2013, celui-là, et qui dure aussi un peu plus de 80 minutes. Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdella, adolescent, essaie de se construire au sein d'une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un frère aîné qu'il aime passionnément. La suite de ce week-end sur les récits autobiographiques dans le cadre de la quinzaine du centre LGBT, c'est dimanche, avec dès 11h un atelier qui s'intitule « On ne naît pas homme, on le devient », qui du coup retourne la phrase, la célèbre phrase de Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Et qui s'intéresse aux constructions d'identité masculine. Et ça sera un atelier qui est en non-mixité PD sur la base d'une autodétermination et qui est ouverte à du coup toutes les personnes qui se définissent elles-mêmes au moins en partie comme PD. Et du coup, cet atelier qui commence à 11h sera suivi d'un repas avec avec les personnes, du coup ceux qui y participent. À 17h, il y aura un nouvel atelier d'échange qui s'appelle les masculinités dans les communautés LGBTQIS, performance, réappropriation, normes de genre, passing. Et du coup, ça, c'est un atelier qui a lieu en mixité, qui est ouvert à toutes les personnes LGBTQIS. Et du coup... Attends, tu n'as pas de micro. Hop, voilà. Peut-être on peut préciser, ce que signifie passing. Parce que voilà, on a présenté ça dans le manifeste d'une femme trans. Passing, en fait, ça signifie de passer pour passer pour femme, etc. Donc toutes les questions de qu'est-ce que ça veut dire que passer pour alors qu'on est, etc., etc. Voilà. Très bien, et du coup cet atelier il est à 17h, à 20h il y aura moyen de grignoter un morceau, et puis à 21h, attention, il y aura la projection d'un film qui a déjà un peu vu, qui est un film de Virginie Despentes, qui s'appelle Bye Bye Blondie, un film de 2011 d'1h37, qui sera suivi avec peut-être un échange avec Virginie Despentes en personne, si elle est là, ce que nous ne sommes pas encore complètement sûrs. Peut-être que j'en lis pareil les trois petites phrases qu'il présente si vous n'avez pas en tête ce film. Nancy dans les années 80. Gloria est une ado punk dans une famille très stricte. Alors qu'elle se fait donner des leçons par ses parents, elle fait une crise et elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Gloria a du mal à supporter sa privation de liberté, mais sa rencontre avec Frances, interné pour amnésie, lui donne plus de courage. Frances commence à flirter avec elle. Dans les autres trucs qui ont lieu ce week-end et qui ne sont pas directement dans cette quinzaine du centre LGBT, il y a samedi demain 4 avril à 15h un atelier surréaliste au centre culturel libertaire 4 rue de Colmar, Lille-Oisem, du coup qui est un atelier d'improvisation libre, à la fois de musique, mais ça peut être des textes, ça peut être ça peut être éventuellement aussi de la performance ou ce qu'on voudra. Et un concert toujours samedi 4 avril avec deux groupes au CCL, un groupe qui s'appelle Judas Doneger qui est de la Cold Wave Noise et qui vient d'Amiens, et un deuxième groupe qui s'appelle De La Cave qui est du Gloomy Wave qui vient cette fois de Strasbourg. Ce concert est à prix libre, c'est-à-dire que chacune est invité à donner ce qu'il peut, ce qu'il veut, en fonction de ce qu'il a envie ou ce qu'il peut. Lundi 6 avril, comme tous les lundis, à midi, il y a moyen de venir manger vegan au Centre Culturel Libertaire. Mardi 7 avril, à 20h30, toujours au Centre Culturel Libertaire, il y aura un concert avec cette fois trois groupes. Un groupe qui s'appelle Besoin d'aide, ou Besoin d'aide, je ne sais pas comment on peut dire ça. Besoin d'aide ? Besoin d'aide ? Ah, je pense que c'est un jeu de mots. Ah, besoin d'aide, oui, pardon, je n'avais pas du tout compris ça. Mais j'en sais rien, hein. c'est ce que j'ai supposé en lisant. Ça peut faire un très beau jeu de mots. Du coup, c'est de la Psyché Noise qui vient de Paris, un groupe qui s'appelle le Death de Mankind. Voilà, c'était une soirée à thème. J'ai pas trouvé de jeu de mots. On n'a pas trouvé de jeu de mots. C'est de l'Electro Speedcore, toujours de Paris. Et un dernier groupe qui s'appelle Raou, qui est du Dark Dance Psyché, cette fois de Bruxelles. Les affiches sont multiples. Et j'en ai vu au moins deux au CCL qui sont faites au marqueur. Voilà. Et c'est stylé. C'est très très beau. Mercredi 8, comme tous les mercredis à 18h30, c'est la manif du comité des sans-papiers 59, pour soutenir toutes les sans-papiers et sans-papières qui luttent pour des papiers et du coup pour pouvoir vivre à peu près normalement dans cette société. Anormal. En tout cas, drôle, curieuse et problématique, méchante, violente. Un autre truc qui a lieu dans la quinzaine du centre LGBT, c'est toujours ce mercredi 8 avril, cette fois où j'en suis, j'y reste, rue de Condé, je ne sais plus bien le numéro. Ouais. 16 rue de Condé, 20 rue de Condé. Voilà. Voilà, dans la rue de Condé. Un débat qui est proposé par les Flamands Roses qui s'appelle « Les homos et l'extrême droite ». Y a-t-il de plus en plus d'homos se sentant proches des idées d'extrême droite et ou les assumant publiquement ? L'extrême droite instrumentalise l'homophobie à des fins notamment racistes et islamophobes. Comment pouvons-nous réagir ? Parlons-en concrètement. C'est mercredi à 20h au « J'en suis, j'y reste ». Jeudi 9, comme tous les jeudis matins, dès 7h et jusqu'à 9h30, on peut venir déjeuner au Centre Culturel Libertaire. Et jeudi, c'est aussi la grève. Alors ça, c'est la grève. C'est la grève. Du coup, on en dira plus de mots au cours de cette émission. Mais voilà, tout le monde en grève jeudi. Et manif à Lille à 14h30. Le rencard, ça doit être... République. République. Parfait. Toujours ce jeudi, cette fois à Calais, dans l'ancien local du PCF, il y a une discussion organisée par le groupe Plancton. Peut-être que tu peux nous en dire un mot. On organise la présentation d'un bouquin de Eric Fassin, Karine Fouteau, Serge Guichard et Aurélie Wundels, qui s'appelle « Roms et riverains, une politique municipale de la race ». Et qui décrit comment les municipalités, l'État derrière aussi, tendent à dénigrer et à déshumaniser, à dévaloriser les populations roms de manière à s'en débarrasser comme si c'était pas des humains. Pour dire les choses un peu simplement. Et ce qui est décrit là-dedans, c'est non seulement ces mécanismes-là, mais également comment en pratique ça se fait, notamment le fait que les municipalités s'appuient sur des riverains fâchés. Voilà, cette figure du riverain qui vient là pour légitimer l'action autrement illégale ou immorale des politiques. Et puis également, comment en fait le militantisme de soutien ou de lutte avec les Roms, les Roumains, etc., est rendu très très difficile par une dépolitisation permanente de cette question politique, et que par exemple Serge Guichard, qui sera là du coup avec Eric Fassin le 9 avril à Calais, si le train le permet, Guichard qui a eu cette expérience là, il se retrouvait systématiquement face à des services techniques de la mairie, face à une question politique qui est donc le traitement raciste, xénophobe des Roms. Voilà. Très bien, du coup ça c'est à 18h30 à Calais jeudi. jeudi 9 avril. Voilà, dans l'ancien local du PCF. Dans l'ancien local du Parti communiste français, eh oui. Voilà, vous êtes les bienvenus. Si jamais Serge Guichard et Éric Fassin ne peuvent pas venir, on s'attellera à la tâche de présenter quand même le bouquin. Et alors, pourquoi on a voulu le faire à Calais? Parce que Plancton, on est quand même lillois et lilloise. Hein. C'est parce que, après en avoir discuté avec Éric Fassin et Aurélie Windels, qui présentaient ce bouquin-là à Lille il y a assez peu de temps, eh bien, ils ont dit que, enfin, en tous les cas, Éric Fassin et Aurélie Windels, qui connaissent bien la région, ont dit que c'était, en fait, à Calais, c'était un prototypage de ce qui s'était fait ensuite au Rhum, la manière de déshumaniser, de les rendre responsables de la saleté, etc., etc. Eh bien, c'était un processus qu'ils avaient retrouvé à l'échelle Rhum, et eux, ils voient ça plus loin encore en disant que, dans une société néo-libérale, en fait, la première étape pour écraser des groupes ou des populations consiste à les dévaloriser, dire qu'ils n'ont pas de valeur et ne pas avoir de valeur marchande dans une société néolibérale, eh bien, c'est être des sous-humains. Voilà. Très bien. Et du coup, toujours ce jeudi 9 avril, il y a encore deux rencarts, trois rencarts. Le soir, plusieurs options, de 18h à 22h30, on peut aller au bar du centre Jean Suigeresse pour une soirée bar qui sera en soutien aux UEH, les universités d'été euro-méditerranéennes des homosexualités. Sans alcool. Et on peut aller aussi manger à vegan à l'insoumise à partir de 20h jusqu'à 22h. Voilà, de 20h à 22h, c'est à prix libre. Et on peut aussi, après tout ça, ou quand on en vit, à partir de 21h, aller au Centre culturel libertaire pour un concert avec deux groupes, un groupe qui s'appelle Sound Against Vultures, qui est du noise rock du Havre, et un deuxième groupe qui s'appelle Franz Reichelt Ensemble, qui est une fureur poétique en chute libre, et qui nous vient cette fois de Lille. On va terminer cet agenda en causant du week-end prochain. Le vendredi 10 avril, il y a une soirée qui s'annonce très chouette aussi au Centre culturel libertaire, puisque il y aura une lecture-spectacle proposée par la compagnie À l'évidence, trois petits points. Une lecture-spectacle d'un texte qui s'appelle Le mémoire d'un nouveau-né et qui est un texte de Thierry Maricourt. Thierry Maricourt que peut-être certaines d'entre vous connaissent ou ont déjà entendu causer, qui est un auteur qui fait de la littérature prolétarienne, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et qui est quelqu'un du coin. Coin. Voilà. Et du coup, ça sera une lecture de ce texte-là, Mémoire d'un nouveau-né, qui est du coup un texte qui est très politique, une dénonciation de la société contemporaine à travers la parole d'un nouveau-né qui du coup décrit le monde dans lequel il arrive et qu'est-ce que ça lui fait d'arriver dans ce monde-là et avec toutes les horreurs qu'il y a dans ce monde. Et du coup, c'est à 20h30 et ça sera suivi avec une discussion avec Thierry Maricourt. Voilà, c'est peut-être l'occasion de dire, si je ne me trompe pas, qu'il y a au moins un bouquin dans la bibliothèque du CCL de Thierry Maricourt. Il y en a plus qu'un, mais il y en a au moins un. Oui. Voilà, très bien. J'étais prudent. C'était bien. Mais oui, voilà, ça vaut la peine de préciser que dans la bibliothèque du Centre culturel libertaire, il y a plein de livres, hein, plusieurs milliers, et plein de livres, même d'auteurs qui sont toujours vivants. Voilà. C'est régulièrement actualisé. Sur le site du Centre culturel libertaire, vous pouvez voir, lorsque des nouveaux ouvrages arrivent dans la bibliothèque, des présentations rapides sur le site web du Centre culturel libertaire, lille.cybertaria.org. Voilà, oui, il y a plusieurs livres, des livres de fiction et des livres de théorie, enfin d'histoire de la littérature prolétarienne. Thierry Maricourt qui a écrit un dictionnaire de la littérature prolétarienne. Ah, j'ai bien fait de te lancer là-dessus. Voilà. Et terminons cet agenda avec le week-end prochain, week-end du 11-12 avril, avec plusieurs projections qui auront lieu toujours au Centre culturel libertaire et qui seront des projections de films de René Vautier. René Vautier, c'est un cinéaste qui a beaucoup filmé l'Algérie, et notamment l'Algérie pendant les luttes contre la colonisation française. C'est un cinéaste qui était du coup fortement engagé au côté des luttes anticoloniales, qui a subi, qui a payé son engagement, puisque du coup nombre de ses bobines ont été saisies et que sa diffusion en France a été très tardive, et que du coup il y a eu une vraie censure de son travail pendant de nombreuses années encore après la décolonisation de l'Algérie. Et du coup, qui est un cinéaste qui est mort au début de cette année 2015. Et du coup, ça nous semblait intéressant de projeter quelques-uns de ses films. Du coup, on projettera un film le samedi de René Vautier, un film qui s'appelle Déjà le 102 mai ensemencé novembre, qui est un film qui revient du coup sur la période précoloniale de l'Algérie et qui fait une histoire longue de la présence coloniale en Algérie, et où on entend beaucoup notamment Kateb Yassine qui prend beaucoup la parole dans ce film. Et le dimanche, du coup c'est à 15h ça au Centre culturel libertaire, samedi 11 avril, et le dimanche 12 avril, cette fois on projettera plus des films courts, du coup il a fait plusieurs courts-métrages, du coup j'ai pas les titres de ce qu'on projettera, mais ça sera plusieurs courts-métrages, toujours de René Vautier, et toujours sur l'Algérie, du coup, pendant le processus de décolonisation. Je pense que ça se termine avec cet agenda, et je propose qu'on écoute un petit morceau de musique. On va écouter un morceau de Scalpel et d'un autre rappeur hispanique, mexicain je crois. Et puis on va rappeler que vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 0320 80 24 00. A tout à l'heure. Nos de pie, eso, carajo. Membre d'une communauté quasi invisible, que j'espère nuisible. Une des terres, rien d'invisible, rien de risible. Vas-y, fais-nous reset. Ici, c'est pas les states, mec, appuie sur reset. On efface tout, on recommence. Latin en style, en direct des quartiers populaires d'une sale France. Pas de salsa, de reggaeton, vive à la race. Du rap pour au milieu des frères noirs et des rats. Fin de soirée, j'las, cumbia, bière au boulot. Lendemain, tête dans le cul, balaf, tu retournes au boulot. Fils de daron sale, tatoué depuis le berceau. 3004-4, patard, tiens mon numéro. Emilien, on sous la quatrième communautaire. Les gauchistes t'emmerdent, c'est ton rap de merde qu'on enterre. Aucune leçon, c'est du son sale de fils d'exilé. Et n'oublie pas que c'est sur nos maillots que vous prenez armé. Tu peux te moquer, moi je peux rétorquer. Et comme la crise ou la bourse, un jour tu peux craquer. Soyons fiers de nos racines, des résistances du continent. Pachamama vaincra ici au milieu de l'Occident. 500 ans d'histoire, de larmes et de sang, de rap et de guérilla, est-ce que tu nous entends? Compa, il est temps de boucler ce putain de couplet. Latino debout, personne ici viendra nous sauver. Latino americano, el immigrante se levanta, el immigrante se levanta. Pobres anarquistas, cumplen indígenas, siempre revolucionarios. Latino americano, el immigrante se levanta, el inmigrante se levanta. Porque el rap es calle y conciencia su función, siempre revolucionarios. Muerto de hambre, un puto sudaca. Olor a sangre, el sabor metálico de la acá, pa' que venía a dar lecciones sobre el frente y lo real. No aceptamos condiciones, convicciones de mapo que tenemos. Quememos a gobiernos que nos roban lo que no comemos. A los Simón Bolívar, un zapata, los zapatos de sobre foto de las placas. Desde Caracas hasta París, cloacas, al que ataca con conjaque hasta empata. Tras de tus flacas, si no te me piratas, sé antifascista, liricista, matar ratas. El dato es que lo nuestro data, etapa por etapa, fuimos recorriendo el mapa. Pueblo traspobla, vivo y transporta, un arte armado para la gente sensata. Mi gente chata de esos falsos hueones sin corbata, lo mujica, se planifica con cojones. Sale de zonas donde no van meones, contra los clones, cheleones, y lo nuestro no hay peones, nah. Marichihueo, vomitando opciones, despertar neuronas, activar acciones. Y si tensiones, ahí estamos, analizamos, participamos a las revoluciones. Latinoamericano, el inmigrante se levanta, pobres anarquistas. latinoamericano. El inmigrante se levanta. El inmigrante se levanta. Pobres anarquistas, rompen indígenas. Siempre revolucionarios. Latinoamericano. El inmigrante se levanta. El inmigrante se levanta. Porque el rap en calle y conciencia su función. Siempre revolucionarios. Siempre revolucionarios. Latinos de pie. Yeah. Alza tu la puño. Lucha sigue. Cabeza alta. Ni olvido ni perdón. Jamás, jamás. Que viva la revolución. Viva, hermano. Ay, América Latina. Eso. Ay. Et voilà, donc on est de retour dans l'émission La Voix sans maître sur Radio Campus Lille 106,6 MHz. Et Lenny va nous parler de la loi Macron contre laquelle nous serons toutes et tous dans la rue. Jeudi 9 avril. C'est ça. Du coup, je voulais juste revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'était cette loi Macron et pourquoi on sera tous et toutes en grève jeudi prochain. Du coup, j'ai pas beaucoup travaillé cette affaire, mais j'ai juste repris un tract de la CNT dont je vais vous en livrer des morceaux. Du coup, ça va pas être une analyse très fouillée, mais ça va être juste quelques points qui sont déjà assez révélateurs du contenu de cette loi. Juste comme début d'introduction, peut-être rappeler que cette loi Macron, qui s'est présentée comme une loi de simplification du droit, et du coup qui est présentée comme une loi purement technique, qui est censée alléger les procédures réglementaires et alléger les codes du droit français. Du coup, on se doute bien que derrière cette idée de juste faire passer une loi technique, ça cache bien d'autres choses, et ça cache notamment des attaques contre les quelques droits des salariés qui ont été gagnés dans les luttes contre les patrons. Et du coup, c'est un grand retour en arrière que propose cette loi Macron. Alors, je vais vous faire une petite liste des trucs sur lesquels revient cette loi Macron et des attaques que représente cette loi Macron. D'abord, c'est une casse du code du travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, le code du travail reconnaît que un contrat de travail, c'est un contrat entre deux parties qui sont inégales, entre un patron et un salarié, et que il y a un lien de subordination permanent entre le travailleur et son patron. C'est-à-dire que grosso modo, c'est pas un contrat entre deux parties égales. Et ben justement, c'est sur ça que une des choses que casse la loi Macron, c'est-à-dire que propose de transformer le contrat de travail en faire un contrat qui serait entre deux entités au poids égal, comme n'importe quel contrat du code civil. Et ce qui fait notamment que ça casse le cadre collectif du travail, c'est-à-dire que ça casse le fait que les salariés, les travailleurs et travailleuses sont une entité, sont un collectif, et ça vient individualiser vraiment le contrat de travail, où la négociation se joue plus que un à un, un patron, enfin une entreprise et un salarié, et que du coup ça fait une attaque contre les conventions collectives et contre les négociations collectives des droits du travail. La deuxième chose que casse cette loi Macron, c'est les prud'hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un litige dans une entreprise autour, enfin un litige dans une entreprise entre un patron et un salarié, ça passe par les prud'hommes. Et ce que veut mettre en valeur la loi Macron, c'est que le règlement des litiges passe désormais par une négociation à l'amiable. C'est-à-dire que on n'a plus une entité qui est extérieur à l'entreprise et qui est appelé pour régler un conflit entre un patron et son salarié, mais on a la mise en avant du coup de procédures de règlement à l'amiable, où du coup ça revient toujours avec cette idée-là, c'est-à-dire que on suppose que le travailleur et son employeur sont des personnes qui sont égales, c'est-à-dire que qui ont le même pouvoir et qui sont égales devant le droit, alors qu'il y a vraiment une asymétrie forte entre le pouvoir d'un patron et le pouvoir de son Non. Et cette égalité, c'est la seule c'est le seul cadre qui permet de justifier le moindre accord passé entre deux personnes ou deux entités. Voilà. Alors dans les choses que met à mal aussi la loi Macron, c'est la possibilité du coup pour les salariés de se défendre en cas de litige, puisque jusqu'alors, en cas de conflit, le salarié pouvait choisir le représentant syndical qu'il souhaitait. Et alors, avec la loi Macron, ça sera l'administration qui, sur proposition des organisations syndicales, proposera une liste des défenseurs syndicaux, c'est-à-dire que les organisations syndicales qui ne sont pas représentatives, notamment la CNT solidaire, mais aussi tout un ensemble de syndicats régionaux, des syndicats bretons par exemple, il y a des syndicats ou des syndicats corses, des syndicats guadeloupéens qui ne sont pas rattachés à la CGT ou à la CFDT ou aux grandes centrales syndicales qui sont considérées comme représentatives, et ben, c'est les salariés risquent fort de ne pas pouvoir se faire défendre par des syndicalistes de ces syndicats qui ne sont pas jugés représentatifs, puisque du coup, ça sera au bon vouloir de l'administration. La troisième chose sur laquelle la loi Macron présente une attaque, c'est la possibilité de licenciement, puisque la loi Macron permet de licencier sans en allégeant beaucoup les motivations qu'il y a à licencier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, si elle licencie, il faut qu'elle justifie que sa situation économique nécessite ses licenciements et que grosso modo elle s'en remettra pas si elle licencie des salariés. Alors ça, le système, on n'est pas en train de dire que le système actuel il était merveilleux et que le travail était merveilleux actuellement, mais en tout cas la loi Macron elle allège du coup des contraintes sur les licenciements et elle permet aux patrons de licencier en ayant encore moins à justifier leur licenciement qu'ils le faisaient auparavant. Encore une chose qui est particulièrement délirant dans cette loi Macron, c'est du coup que aujourd'hui, quand un patron fait obstruction au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, eh ben il risque, il commet un délit et avec ce délit, il risque des procédures pénales, c'est-à-dire qu'il risque jusqu'à un an de prison. La loi Macron propose de revenir là-dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo, de revenir là-dessus ? Ça veut dire que un patron qui fait obstruction au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire grosso modo les syndicats, ne risquent plus qu'une amende. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec la loi Macron, enfin demain plutôt avec la loi Macron, un patron qui gênera l'activité d'un syndicat aura à payer une amende et du coup, grosso modo, il y aura une analyse de coût à faire pour les patrons entre qu'est-ce que ça va lui coûter de gêner l'activité d'un syndicat qui est trop combatif et du coup le fait que le patron risque pas, notamment l'emprisonnement où on peut se dire que du coup il va pas faire ça parce que c'est quand même chiant, ça le touche personnellement dans son corps, mais là si c'est juste une amende qu'il a à payer, on peut considérer que le patron il prenne ça comme une taxe ou un coût à payer, quoi, comme les entreprises le font déjà pour le travail le dimanche. Voilà. Elles intègrent dans leur chiffre d'affaires ou leur perte le fait qu'ils vont se taper des amendes, qu'ils payeront, et puis tant pis. Et voilà. Et alors, du coup, la loi Macron elle permet que si un patron fait obstruction au fonctionnement des syndicats, notamment, eh ben, elle aura juste à payer une amende. C'est-à-dire qu'elle aura juste à prendre ça en compte dans son budget. On parlait du. Oui, évidemment, les syndicats les moins combatifs s'en foutent un peu. De toute façon, soit ils se disent que ça leur arrivera pas et ce en quoi ils ont tort. Soit ils se disent que ça fera du mal à des syndicats plus petits qu'eux et ils espèrent en tirer un avantage. C'est ça. Alors tu parlais tout à l'heure du travail du dimanche et de nuit. La loi Macron prévoit aussi du coup un empirement de la situation de ce côté-là, puisqu'elle prévoit que les négociations autour du travail de nuit et du dimanche se fassent directement au sein de l'entreprise, mais que ce soit plus réglementé, comme moins réglementé, ou en tout cas moins encadré nationalement, comme ça l'est déjà aujourd'hui. Et du coup, on peut du coup se douter que dans des cas où les rapports de force, vu qu'ils ne sont pas du tout en faveur des salariés, et que du coup avec le chômage de masse qui touche, il y aura nombreux de salariés qui seront obligés d'accepter de travailler de nuit et le dimanche, et du coup on aura la possibilité de travailler jusqu'à minuit et le dimanche sans majoration de salaire. Voilà. Alors, ce qui est terrible en plus, c'est qu'on, enfin, c'est terrible, mais en vrai, on le sait. Mais c'est pas, on peut pas se dire qu'ils se trompent et qu'ils se sont plantés. Mais cette fois-ci encore, parce qu'en fait, déjà pour la mise en place de la loi sur les 35 heures, c'était l'un des gros défauts, l'un des gros reproches à faire à la mise en place de cette loi sur la réduction du temps de travail, consistait à ce que les négociations se fassent au niveau des entreprises elles-mêmes. Alors, le danger, évidemment, c'est qu'il s'est immédiatement révélé et qui a été souligné par tout le monde, c'était que, présenter, en fait, les horaires complètement en gruyère par exemple des caissières de supermarché qui arrivaient à 9h, qui bossaient 2h, et puis après le manager il trouvait que il y avait pas assez de monde, du coup il disait vous êtes en pause, etc. et du coup il se retrouvait avec une journée qui pouvait durer très longtemps, mais avec très peu d'heures de travail. Voilà. Donc c'était déjà la critique qui était faite à cette loi du Parti Socialiste à l'époque. La loi Macron du Parti Socialiste à nouveau, eh bien, est la même sur ce plan-là. Et du coup, je vais terminer avec deux autres points qui sont prévus dans cette loi Macron. Enfin, un point qui n'est pas prévu, mais qui est dans les cartons et qui risque de suivre fortement cette loi Macron, c'est du coup une ordonnance qui viendra changer la manière dont la médecine du travail fonctionne, c'est-à-dire que ça prévoit, du coup ça c'est pas dans la loi Macron mais c'est dans les discussions qui se font autour, c'est-à-dire la fin des visites médicales périodiques pour les salariés, du coup ce qui amène des choses éminemment bonnes, on s'en doute, et aussi la fin des restrictions médicales, c'est-à-dire que les patrons ne seront plus obligés d'adapter le poste de travail en fonction de la santé des salariés, ce qui était une obligation jusqu'à présent. Voilà, on se demande bien qu'est-ce qui peut motiver Macron, Valls et Hollande pour sortir une loi comme ça. On se demande bien. À part le fait que c'est des crapules de fond, quoi. Et que c'est du coup un projet. Qu'on retrouve là le projet des patrons, quoi. C'est que clairement, ce qui était dans les cartons du MEDEF, c'est clairement. C'est retrouvé dans les cartons du Parti Socialiste en manque de projet. Voilà. Et du coup, juste un dernier point pour souligner qui est dans cette loi Macron et qui est particulièrement cynique, c'est ce qu'il prévoit pour les travailleurs handicapés. Alors, il prévoit la possibilité pour les travailleurs handicapés qui sont dans un contrat avec un établissement de réinsertion par le travail de travailler, attention, je vous le donne en mille, gratos. Est-ce que du coup, pour leur réinsertion, c'est bon déjà que des patrons veuillent bien leur donner du travail, et du coup, il faudrait quand même pas leur donner un salaire pour le travail qu'ils font. Du coup, la loi Macron propose que les travailleurs handicapés qui travaillent dans une entreprise avec un contrat, avec un établissement de réinsertion par le travail, puissent travailler gratuitement. Elle propose aussi un autre truc pour les travailleurs handicapés, c'est le statut de travailleur handicapé indépendant, c'est-à-dire que c'est un salarié qui n'est pas... c'est du coup un travailleur qui n'est pas salarié de l'entreprise, mais qui sera rémunéré à sa prestation. Très bien. En attendant, le travail obligatoire pour toutes les personnes handicapées, même en l'absence de poste de travail adapté. Voilà. Alors... Et... Du coup, on te rappelle que c'est pour ça qu'on est en grève jeudi. C'était, voilà. C'était ça, le but, c'était de revenir un peu sur cette grève. Et que du coup, on peut retrouver plus de choses, notamment sur le site de la CNT, puisque du coup, on n'a pas dit... Très bien. Et alors, un autre truc, c'est que voilà, c'est, la grève, c'est un moyen de lutte très important. Et à cette occasion, j'envisage de... Je sais pas, j'imagine que ça a été fait 100 fois sur cette antenne, mais de soutenir les camarades de Radio France qui sont en grève depuis maintenant plus de 12 jours. Et voilà, la bande-son est OK. Allez, bon courage. Et on va passer maintenant, du coup, après cette longue série de mesures paternalistes de style 19e siècle, on va passer les bons pères de Douche Froide. Et on est de retour sur Radio Campus 106.6 FM. Tout à fait. Et donc et maintenant, je vais vous parler de l'Espagne un petit peu. On va traverser l'Hexagone et puis après les Pyrénées. Et on arrive juste à Barcelone et à Madrid. Voilà. Donc, pourquoi je parle de l'Espagne tout de suite? C'est parce que le 30 mars, pardon, il y a une opération policière nommée Piñata, pendant laquelle le juge de l'audiencia nationale, Eloy Velasco, a envoyé en prison préventive, mercredi 1er avril, 5 des 15 arrêtés, donc lundi 30 mars. Donc il y en a 24 autres qui ont été arrêtés pour résistance et désobéissance lors des 17 perquisitions qui ont eu lieu donc dans ces villes de Madrid, Barcelone, Palencia et Grenade. Voilà. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit de la continuation d'une opération Pandora qui avait eu lieu à la fin de l'année 2014, de souvenir 17 décembre, pendant laquelle également ils avaient fait une descente dans tout un ensemble de lieux anarchistes barcelonais et de la région. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils sont dans une opération. Alors, ça rappelle des souvenirs de 2009, hein, de Alain Bauer, qui mettait en avant l'insurrection qui vient, et puis Alio Mari au secours. Alio Mari qui dénonçait les anarcho-autonomes, etc., et qui arrêtait des gens pour que finalement, 10 ans après, la DCRI, dans la honte, se voit tout le monde abandonner cette procédure judiciaire. Eh bien, ils ont décidé de faire la même chose en Espagne, dans un gouvernement et un État pour lequel actuellement il y a tout un ensemble de mouvements sociaux. Donc on se rappelle il y a quelques années avec la Plaza del Sol qui trouve, alors comme on dit, ça se discute, mais dans une certaine contestation sociale qui continue. Et y compris, alors c'est peut-être ça qui les embête le plus, y compris dans les urnes avec un parti qui s'appelle Podemos, là, qui est censé être issu de ce mouvement de la Plaza del Sol. Bref. Et en parallèle, donc, ils ont décidé de taper et de relancer la marionnette, ou plutôt l'épouvantail des anarcho-insurrectionnistes, qui s'appelle ici le GAC, donc le groupe des anarchistes coordonnés. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en fait dans ces perquisitions? Des choses ridicules, hein, comme ça avait été l'occasion de la descente sur les gens de Tarnac. Donc, ils ont trouvé des manuels pour confectionner des engins explosifs et de techniques de guérilla, des bonbonnes de camping-gaz, extrêmement original chez des gens entre 31 et 36 ans. Qui n'ont pas la chance de posséder des grandes villas pour passer des vacances, des photos de policiers et de commissariats, des manuels d'autodéfense et de techniques pour éviter les filatures, des dispositifs techniques d'accès chiffré au Wi-Fi pour rendre la navigation Internet anonyme. Voilà, oui, c'est très très très grave de vouloir échapper au flicage généralisé sur Internet. Ça, c'est un truc à charge, c'est un truc absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a... Pour un juge espagnol, c'est quelque chose qui est un motif suffisant, en l'absence de toute preuve d'activité illégale, d'avoir des moyens de se protéger. Alors, de protéger donc des écoutes, hein, pourquoi pas. Bon, moi, ça me paraît tout à fait légitime, mais ça sert pas seulement à ça, ça sert également au flicage, on va dire, commercial des entreprises de marketing. Mais bon. Voilà. Et donc, il y a eu, du coup, ces 17 perquisitions. Voilà. Avec tout un ensemble d'actions de solidarité qui avaient eu lieu, du coup, après l'opération Pandore à la fin de 2014. Et puis, là, également, j'en mentionnerai une seule qui est à Rennes, donc ça a été mis en ligne le 1er avril 2015, donc j'imagine que c'était la veille le mardi 31 ou 30. Donc il y a le consulat espagnol de Rennes en France qui a été attaqué avec de la peinture en solidarité avec les détenus de l'opération Piñata en Espagne, et est écrit donc à la peinture « Terrorista es el Estado », le terroriste c'est l'État, et Piñata à la mierda, va te faire foutre Piñata. Et donc il y a eu également de la peinture contre la voiture du consul. Donc voilà, donc il y a un appel donc de Grenade à Rennes, solidarité active contre toutes les formes de répression. Une dernière chose à préciser, c'est que lorsque les personnes sont sorties du bureau du juge, eh bien, il y a les journalistes qui étaient présents et qui, en fait, font vraiment partie de cette entreprise de criminalisation et de bouc émissarisation de fantasme anarcho-insurrectionniste ou anarcho-autonome. Et donc, ils ont été traités de charognards, les journaleux, et puis également des rassemblements de solidarité. Et donc un texte d'appel qui pose clairement la donne: solidarité, entraide, action directe, mort à l'État et vive l'anarchie. Voilà, donc c'est les nouvelles pas très joyeuses de l'Espagne. Dans les articles que j'ai lus, il semblerait que cette stratégie est pas seulement propre à la France de Sarkozy et à Alio Mari, mais également que c'est la stratégie qui a cours en ce moment et qui a eu cours les années précédentes au Chili. Voilà, surtout après les mouvements étudiants, il y a eu une entreprise à nouveau de diabolisation des anarchistes et également du coup de très larges descentes dans les lieux de vie de ces personnes et des arrestations qui, sans doute, comme en France, n'aboutiront à rien de tangible légalement, mais qui le permet à eux et aux journalistes d'entretenir le cirque médiatique. Voilà. Pour illustrer un petit peu cette chronique, on va mettre un morceau de musique. Alors, que tu vas présenter. Ouais, je vais présenter. C'est un morceau qui est un morceau d'un groupe basque et qui revient sur les faits qui se sont passés le 20 décembre 1973. Attention, ça date pas complètement d'hier. Qu'est-ce qui se passe le 20 décembre 1973 ? C'est l'amiral Carrero Blanco, qui est le chef du gouvernement de Franco et qui est du coup le successeur désigné de Franco. Et qui bat, attention, le record du monde de saut en hauteur en voiture blindée, puisque à 9h30 du matin, il sort de la messe comme tous les matins, une mauvaise habitude qu'il a perdue depuis, et une explosion projette sa voiture de blindée qui pesait plus de 2 tonnes à 30 mètres de haut. Du coup, il finit sa course à l'intérieur du patio de l'église des Jésuites, où il venait de sortir, sur le balcon du troisième étage. Du coup, c'est une explosion propulsion qui a fait un cratère de 10 mètres de diamètre et 4 mètres de profondeur, qui est revendiqué par l'ETA, qui avait quand même mis 50 kilos de dynamite en dessous. Du coup, on va écouter un petit groupe de punk basque qui revient sur le record du monde du saut en hauteur en voiture blindée. Un sport, on espère qu'il y aura de nombreuses crapules pour y participer. Allez. Menestro naval, tenía un sueño, volar y volar. Hasta que un día ETA militar hizo su sueño una gran realidad. Volá, volá, Carrero volá, que está de su vez llegó. Volá, volá, Carrero volá, que está de su vez llegó. ¡Ay, Carrero! Tenía un sueño, volar y volar. Hasta que un día ETA militar hizo su sueño una gran realidad. Volá, volá, Carrero volá, y esto de su vez llegó. Volá, volá, Carrero volá, y esto de su vez llegó. Voló, voló, Carrero volá, y esto de su vez llegó. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM et c'est la voix sans maître qui arrive à sa fin. On va continuer cette émission et la terminer en causant de la, une autre loi qui nous tombe sur le nez et qui est du coup une loi justement cette fois de contre le une loi de renseignement pardon. Voilà, alors une loi de renseignement, alors c'est un peu le presque le fil rouge de l'émission, c'est cette capacité à justifier tout par l'antiterrorisme. Et donc là, ils ont fait une loi qui s'appelle loi sur le renseignement, qui est vendue dans la presse comme étant une loi pour lutter contre le terrorisme, hein, évidemment. Elle apparaît juste après, du coup, juste après les attentats contre Charlie Hebdo, contre dans le massacre dans l'hypercachère, merci. Et donc cette loi donc qui passe en plus, qui est en procédure accélérée, hein, c'est typique des fonctionnements des démocraties pourries dans lesquelles nous vivons. C'est-à-dire qu'il y a un choc, hein, c'est Naomi Klein qui décrit bien ça dans son bouquin. Il y a un choc, et puis juste après le choc, il dit « Ah là là là là là, il y a un choc, on est perdu, on est en train de se dire « Merde, ouais, ça fait chier qu'il y ait des gens qui crèvent pour des motifs débiles. » Et hop, les gouvernements en profitent pour faire passer une loi qui les intéresse, qu'ils avaient dans les cartons depuis un moment. Et là, de quoi il s'agit ? C'est une loi non pas contre le terrorisme, mais en fait une loi sur le renseignement. Donc c'est une loi sur le renseignement que eux ils disent c'est contre le terrorisme, et en plus ils sont incohérents, ils disent c'est une loi en plus qui va permettre d'encadrer les mesures du renseignement. Alors comme si ils étaient en train d'améliorer les choses par rapport à ce qui se passait avant. Alors c'est sûr qu'avant, on se rappelle des différentes lois qu'il y avait eu, donc notamment sur le fichier Edwige là qui devait également contenir des personnalités syndicales ou personnalités religieuses avec leurs orientations sexuelles, etc. Cette fois-ci, ils disent bon bah voilà, on va faire mieux que ce qui existait avant. À l'époque d'Edwige, on s'était dit de toute façon, il y en a une sur laquelle ils en parlent, ils y parlent, mais en fait ils en ont probablement plein dans les cartons, plein de bases de données complètement illégales sur les personnes, mais ils nous en parlent pas. Voilà, c'est le truc qui est en cours. Donc cette loi qui est présentée au nom d'eux et par Manuel Valls, Premier ministre, Christiane Taubira, Jean Yves Le Drian, donc Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, propose toute une panoplie de lois pour de règles pour autoriser un truc très très flou et très très large. En fait, on a beaucoup comparé cette loi au Patriot Act à l'américaine. Il y a des articles aux États-Unis qui paraissent pour dire attention, les bêtises qu'on a fait nous après 2001, donc le nouveau choc, ce choc et qu'on a introduit dans le Patriot Act et d'autres lois, ne le refaites pas en France. Et en fait, bah si, évidemment, le Parti Socialiste est en train de mettre en place cette loi. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de très discutable là dans le peu de temps qui me reste pour présenter les choses? C'est déjà là, ce que j'ai dit, la question du rythme de l'étude du projet. C'est scandaleux de mettre une procédure d'urgence pour une loi aussi importante, sans qu'il y ait possibilité du coup d'en discuter avant. Ce serait quand même le minimum, mais bon, ils s'en foutent. Il y a un problème de fond qui est la légalisation automatique de pratiques illégales des services de renseignement. Alors, le gouvernement a la délicatesse de dire « allégal », comme s'il n'y avait pas de loi. Or, il y a un contexte international de loi où il est interdit, évidemment, de mettre en place des moyens de surveillance généralisée de la population. Et donc, quand ils disent « allégal », en fait, c'est juste soit qu'ils sont ignorants, soit qu'ils sont hypocrites. Ils sont probablement un peu les deux. Et la dernière chose, c'est la quasi-impossibilité pour les personnes qui sont sujettes ou qui pensent être sujettes à cette surveillance de faire des recours. Voilà, c'est tout ça se déroule entre le cabinet du Premier ministre et une commission consultative, hein, dont le Premier ministre n'a pas besoin d'écouter les avis. Et puis, en fait, en décortiquant la loi, c'est des gens qui l'ont fait, ont vu que même si effectivement il y avait une écoute illégale et que le Conseil d'État disait effectivement vous n'avez pas le droit de faire ça, et ben il serait impossible pour les personnes de savoir autre chose que votre demande a été bien entendue. Ils ne sauront pas si ils ont fait l'objet d'une écoute, une sonorisation de leur pièce, c'est-à-dire l'écoute de leur domicile. Ils ne sauront pas si leurs communications sont interceptées. Ils ne sauront pas si si leurs déplacements sont captés non plus. Donc cette loi est problématique du coup pour toutes ces raisons de fond, mais également du coup pour le problème de base de la surveillance de masse des citoyens. Un truc qu'il faut rappeler quand même, c'est que dans un État, c'est illogique et c'est mettre les choses à l'envers que de considérer que toute la population est potentiellement criminelle et de dire on doit faire confiance à la puissance de l'État pour faire les choses correctement. En réalité, pour que les choses soient à l'endroit, c'est il faut que les personnes aient la garantie de leur vie privée et que si jamais eh bien, ça ne passe pas, eh bien, ils aient les moyens de taper sur l'État. Évidemment, un gouvernement débile ne va pas mettre ça en place et en l'occurrence, c'est ça qui est en... C'est ça qui est proposé pour le 13 avril. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller très rapidement pour dire que ils sont en train de refaire ce qui était fait aux États-Unis, donc les écoutes de l'internet de manière généralisée. Ils veulent protéger à tout prix les agents de renseignement contre la moindre punition légale, c'est-à-dire de leur donner une impunité complète de leurs activités. Et ils maintiennent une opacité complète. Et la dernière chose, c'est l'article 7 qui pénalise la révélation de mesures de surveillance, même illégales. Et donc voilà, on en est bien là. C'est ça la politique du gouvernement. Et pour lutter contre ça, je vous propose d'aller sur le site sous surveillance. Et maintenant, je repasse.